Bonjour. Dans l'épisode précédent, on a parlé du débat houleux suscité par l'appel de Dvorak à utiliser des chants des plantations, comme il les appelle, pour inventer une musique savante américaine. On a vu notamment que le compositeur de Boston, John Knowles Paine, y était fermement opposé. D'une part parce que selon lui, les musiques des plantations sont des musiques barbares, et d'autre part parce qu'il considère aussi plus généralement que l'usage de musique folk limiterait l'expression du génie créateur du compositeur. Alors, voyons à présent la position de l'une de ses collègues, la compositrice Amy Beach. Également associée à l'école de Boston, Amy Beach propose une vision beaucoup plus nuancée que celle de Paine. En 1893, lorsqu'elle participe à la tribune du Boston Herald, donc pour répondre aux propositions de Dvorak, Beach est une pianiste et compositrice déjà très renommée et la première femme à atteindre ce niveau de succès aux États-Unis, sans être, qui plus est, passée par une formation musicale en Europe. Si elle aussi critique l'appel de Dvorak à utiliser des mélodies nègres, ce n'est pas pour des raisons esthétiques, ni à cause de leur caractère prétendument barbare, mais parce qu'elles ne peuvent pas, selon elles, représenter à elles seules la diversité ethnique et raciale des États-Unis. Beach ajoute que les compositeurs devraient plutôt utiliser des folk music dont ils sont familiers, plutôt que ces fameux chants des plantations que la plupart des compositeurs américains connaissent en fait très mal. En tout cas, c'est ce que pense Amy Beach. Beach mettra ses idées en pratique aussi dans sa Gaélique Symphonie qu'elle va composer entre 1894 et 1896, qui va être très inspirée par la Symphonie du Nouveau Monde de Dvorak et qui fait référence à des folk songs d'origine irlandaise. Alors, Beach elle-même n'est pas irlandaise, mais elle se définit comme quelqu'un du nord des États-Unis, et donc à ce titre, elle choisit plutôt de s'inspirer de, je la cite, hein, des vieux chants anglais, écossais ou irlandais. Quant à la question de l'américanité des mélodies nègres, Amy Beach répond également par la négative. Elle souligne que s'il fallait désigner une musique qui serait native d'Amérique, ce serait plutôt celle des Amérindiens ou bien des Esquimaux. Les Africains, eux, c'est elle qui dit Africains, ne sont selon elle, je la cite, pas plus natifs que les Italiens, les Suédois ou les Russes. On note bien sûr l'absence des Anglo-Américains dans la liste de non-natifs. Amy Beach empruntera d'ailleurs des thèmes amérindiens pour certaines de ses compositions tardives, mais jamais de mélodies nègres. La préférence de beaucoup de compositeurs américains pour les musiques des Amérindiens plutôt que celles des Noirs américains fait peut-être aussi écho aux stéréotypes dont ces deux catégories sont affublées. L'image du noble sauvage serait plus attirante que celle du plantation darky, diffusée alors par les spectacles minstrels. La définition très libre, assez vague et finalement très inclusive aussi de la folk music américaine selon Dvorak va être encore sujette à controverse des décennies plus tard. La proposition de Dvorak va continuer à alimenter les débats autour du nationalisme en musique durant plusieurs décennies et inspirer aussi de nombreux compositeurs cherchant à inventer une musique savante qui sonnerait américain. Il a en effet beaucoup d'émules parmi les compositeurs, mais la majorité d'entre eux ne vont pas se tourner vers les mélodies nègres comme ils le recommandent prioritairement, mais plutôt vers celles de l'homme rouge. Et ça sera donc l'objet du prochain épisode. Donc, puisqu'on a parlé de Amy Beach, voici une version de sa Gaélique Symphonie enregistrée en 2010 et menée par la chef d'orchestre américaine Joan Falletta. Et l'intégrale est écoutable sur YouTube, je mettrai le lien.